Oui. Allô ? Oui. Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour, j'appelle pour la petite annonce que vous avez passée. Pardon ? J'appelle pour la petite annonce que vous avez passée. Écoutez, je ne comprends pas. Pour prendre de la coke. Pour vendre du coke ? Oui. Ah bon ? Combien de tonnes, la coke à la tonne ? Non, non, écoutez, c'est une erreur. Le coke a déjà été pris il y a un mois. Attendez, il y a marqué « donne environ une tonne de coke ». Oui, parce qu'il y a une erreur dans l'écho. Ils ont remis l'annonce. Ils ont remis quoi ? Ils ont remis l'annonce qui était déjà dans le numéro précédent. Ah, il y avait une erreur ? Vous ne vendez plus la tonne de coke ? Ah non, non, le coke est parti il y a un mois. Ah ! Avec qui ? Mais c'est parce que l'écho a refait a remis la tonne. De toute façon, je peux vous dire qu'il n'y en a plus. Hein. Ah ouais. Oui. Ah, plus de coke. Il n'y a plus de coke. Oh là là là là là là là là. Plus du tout. Mais non, monsieur, il n'y en a plus. Oh, qu'est-ce que vous me proposez à la place ? Chewing-gum, bonbon, mi-choco, un truc. Vous parlez beaucoup trop vite, alors je ne vous comprends pas. Je disais, si vous n'avez plus de coke, oui. Vous me proposez quoi à la place ? Mais moi, je ne suis pas un marchand. J'avais du coke dont je voulais me débarrasser et vous l'avez vendu cher ? Comment ? Vous l'avez vendu cher ? Mais non, je ne l'ai pas vendu cher, je l'ai donné. C'est pas vrai ! Vous l'avez donné ? Oui, je l'ai donné. Mais le poids, c'était combien ? Oh, ça faisait peut-être une tonne et demie. Ah, vous avez donné une tonne et demie de coke ! Il a donné une tonne ! Oui, j'en ai fait cadeau. Il en a fait cadeau, mais vous savez combien ça coûte ? Ah, écoutez, Nicky, c'est donc de votre chose. Bon, je vous prendrai une barrette alors. Écoutez, monsieur, il y a un mois, Ouais, bien sûr. Il y avait mon avance. L'écho de la drogue, oui. Parce que je voulais m'en débarrasser, et j'en ai fait cadeau, et ce cadeau a été pris, et il n'y a plus de coque. Vous êtes fou de l'avoir donné, hein. Pas, hein. Je l'ai donné à un monsieur que je ne connais même pas son nom. Mais t'es pas bien, Pablo Escobar, mais t'es fou. Ah, bah écoutez, monsieur, je sais ce que je fais, hein. Oh, mais ça se donne pas, ça se vend. Ah, écoutez, ça c'est votre affaire, vous monsieur, avez mais pas, pas eu la de... mienne. N'avez pas eu de problème avec la police? Mais enfin, écoutez, en quoi est-ce que ça vous regarde ? Bah comme ça, quand même, parce que c'est dangereux ce que vous mais faites, une tonne pas. Et demie. Voilà, alors au revoir, monsieur. Bah au revoir, monsieur, alors je vous amènerai des oranges. À bientôt, monsieur. Une tonne et demie de coke. Mais c'était quoi sa coke, à lui ? J'ai rien compris. C'est quoi de la coke ? Si vous savez ce que c'est que de la coke, SMS 6-10-10, mettez coe devant.